Conte de fées en français. Une promesse rompue. Il était une fois, quand le Japon était encore un jeune pays, vivait dans un petit village un homme qui s'appelait Hisashi. Il était gentil et jeune, mais la vie avait été très injuste avec lui, car il était très pauvre. Il devait travailler très dur pour gagner sa vie, pendant les jours où le soleil brillait. Mais quand l'hiver arrivait, il ne trouvait que peu de travail. Et souvent, il se couchait en ayant terriblement faim. Un jour qu'il était dehors et qu'il marchait dans le vent glacial, il croisa une grue étendue dans la neige. Qu'est-ce que c'est? Oh, une grue! Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Je vais pouvoir m'en faire une bonne grosse soupe. Miam! Mais en la regardant de plus près, il se dit que la grue était bien mignonne et son cœur fut emporté par sa beauté. Je ne pourrai pas cuisiner cette grue. Elle est trop belle. Mais qu'est-ce que... Elle est blessée à l'aile? Que puis-je faire? De son sac, il sortit un baume pour essayer de soigner la grue. Ce baume avait été fait avec des herbes spéciales du pays. Voilà, petite grue. Essayons de réparer ton aile. Oh, ne bouge pas! C'est sûrement un peu désagréable, mais tu iras mieux dans une minute. Et comme il l'avait dit, la grue se remit rapidement à battre de son aile. Elle n'avait plus mal et regardait maintenant son sauveur. Hisashi lui sourit et en agissant des deux ailes en même temps, la grue s'envola. Bon, eh bien aujourd'hui je rentrerai à nouveau le ventre vide. À présent, retournons à la maison. Cette nuit-là, tandis qu'Hisashi dormait, les vents au dehors grondèrent plus fort. Au bout d'un moment, il fut réveillé par un son qui cognait. Quoi? Ça doit être le vent. Mais comme le bruit continuait et commençait même à devenir plus fort, Hisashi se mit à s'inquiéter. Ce bruit ne ressemble pas du tout à celui du vent. Et si c'était un voleur? Il faut que j'aille voir. Qui est là? J'ai demandé ton nom. Très bien, je vais ouvrir la porte. Et quand il ouvrit, il fut choqué de voir devant lui une belle jeune femme qui se tenait là, debout dans le froid glacial. Elle avait un énorme sac avec elle, qu'elle avait posé à ses pieds. Oh non, est-ce que ça va? Rentre vite à l'intérieur. La jeune femme n'émit pas un seul son et tomba dans ses bras, très faible. Oh, c'est pas vrai. Son corps est aussi froid que la glace. Elle doit être si faible. Je rentrerai le sac plus tard. Alors, Hisashi porta la femme jusqu'à sa chambre et la borda dans le lit bien chaud. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir te réchauffer. Affamé et gelé, avec une jolie étrangère dans ma maison. Quelle journée bizarre. Et quelle nuit! Il finit par se rendormir devant la flamme qui s'amenuisait. Le lendemain matin, il se réveilla et la jeune femme était assise à ses côtés. Bonjour, je m'appelle Tsuru. Désolée d'avoir débarqué comme ça et de t'avoir ainsi dérangée hier soir. Oh non, pas de problème. Et comment vas-tu aujourd'hui? Tu as eu assez chaud pendant que tu dormais? Je vais très très bien. Et j'ai aussi très bien dormi. Merci. Mais... dis-moi donc, d'où venais-tu? Je n'ai pas vraiment de maison. Je marchais comme ça dans le froid quand j'ai aperçu ta maison. Je n'avais nulle part où aller. Eh bien, dans ce cas, reste ici en attendant de savoir où aller. Aussi, j'aurais aimé pouvoir t'offrir quelque chose à manger, mais comme tu peux voir... Oh, ce ne sera pas un problème. Le sac que j'avais avec moi est plein de riz. Où l'as-tu mis? Eh bien, je l'ai posé dans le coin, là-bas. Tsuru prit du riz et se mit à leur préparer du riz pour tous les deux. Hisashi n'avait pas mangé correctement depuis plusieurs jours. Alors il avala le bol tout entier en un rien de temps. C'était trop bon. Maintenant, c'est ok si je reste? Bien sûr. Les jours s'écoulèrent et la vie à deux se passait bien entre deux. Et tandis qu'ils avaient appris à mieux se connaître, Hisashi tomba vite amoureux de Tsuru. comment faire. Elle n'épousera jamais quelqu'un comme moi. Mais ça ne coûte rien de demander. Tsuru, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Est-ce que, par le plus grand des hasards, tu épouserais un homme comme moi? Ah, oui! Enfin, je sais que je suis pauvre et tout, mais... Attends, quoi? Tu viens juste de dire oui? Oui, oui! J'ai vu comme tu étais gentil et doux, et j'adorerais t'épouser. Et à partir de ce moment-là, Tsuru et Hisashi vécurent ensemble en tant que mari et femme. L'hiver se termina enfin, tout comme le sac de riz de Tsuru. Hisashi se remit à travailler, mais il gagnait toujours aussi peu d'argent. Il était très triste. Mon chéri, ne t'inquiète pas. Je vais te donner un très beau tissu à vendre sur le marché, d'accord? Et d'où va-t-on sortir ce tissu? Je vais le fabriquer, mais ça va me prendre 5 jours pour le faire. Je vais m'enfermer dans cette pièce et tisser le tissu pour toi. Mais tu dois me promettre de ne jamais entrer. J'en sortirai une fois que j'aurai terminé. Hisashi était un peu perplexe, mais il accepta rapidement. Alors, ce jour-là, Tsuru entra dans la pièce et s'y enferma 5 jours durant. Hisashi ne savait pas trop quoi faire, mais attendit sa femme patiemment. Le dernier jour, Tsuru sortit de la pièce en tenant dans ses mains le plus beau tissu qui soit. Son tissu portait des fleurs et des oiseaux brodés, et on l'aurait dit taillé pour une reine. C'est vraiment magnifique. Comment as-tu fait ça, ma chérie? Chut, c'est un secret. Maintenant, va le vendre, d'accord? Alors, Hisashi sortit pour vendre le tissu. En rentrant, il était de très bonne humeur. Il alla trouver sa femme et lui raconta comment il avait vendu le vêtement pour une très belle somme d'argent. C'est super, mon chéri! Avec cet argent, je vais pouvoir te préparer un délicieux repas. L'histoire se répéta plusieurs fois. Tsuru s'enfermait dans une pièce pendant 5 jours et Hisashi attendait patiemment. Mais à chaque fois qu'elle sortait de cette pièce, elle paraissait bien plus fatiguée que la fois précédente. Un jour, un ami d'Hisashi qui venait de la même ville vint lui rendre visite. Ils se saluèrent puis s'informèrent sur leur vie respective. Ma femme est la femme la plus belle et la plus gentille, mon ami. J'aurais aimé que tu la rencontres, mais elle s'est enfermée dans cette pièce. Quoi? Pourquoi? Vous vous êtes disputés tous les deux? Hisashi expliqua ce que faisait Tsuru et cela semblait amuser son ami. C'est bizarre, non? Tu es son mari et tu ne sais même pas pourquoi elle fait ça. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que tu ne cherches même pas à savoir. Bon, je dois rentrer maintenant. Passe le bonjour à ta femme, qui aime tant les secrets. Au revoir. Hisashi fut très inquiet en entendant les dernières paroles de son ami. C'était vrai qu'il n'avait jamais vraiment demandé à sa femme ce qu'elle faisait dans cette pièce. Et aussi, d'où sort-elle ce magnifique tissu? Il faut vraiment que je sache maintenant. Alors cette fois-ci, il décida de jeter un coup d'œil dans la pièce. Tsuru faisait désormais confiance à son mari et elle ne fermait plus la porte à clé. Alors quand Hisashi ouvrit la porte, il fut choqué de voir non pas sa jolie femme, mais la grue qu'il avait sauvée des mois auparavant. La pauvre créature épilait ses magnifiques plumes blanches pour pouvoir fabriquer le splendide tissu. Toi ? Tsuru, tu es une grue? Hisashi, pourquoi? Pourquoi as-tu rompu ta promesse? Et là-dessus, Tsuru déploya ses ailes et s'envola par la fenêtre. Tsuru, non! Attends, je suis désolée! Tsuru! Je suis désolée de t'avoir menti, mon chéri. Mais je voulais te remercier de m'avoir sauvé la vie cette nuit-là. Et je t'aimais vraiment. Mais il fallait que tu me fasses totalement confiance. S'il te plaît, reste avec moi. Je te promets que je ne briserai plus jamais aucune promesse envers toi. Mais Tsuru s'envola très haut dans les airs et ne revint plus jamais. Hisashi en eut le cœur brisé. Il avait aimé Tsuru à la folie. Et après ça, il ne put plus jamais se remarier avec une autre femme. Il passait maintenant tout son temps à observer le ciel, attendant son retour. Mais cela n'arriva jamais. Il avait perdu sa confiance. Et on ne regagne pas la confiance de quelqu'un facilement. Une fois perdue, on ne la retrouve souvent jamais. Et même si on regagne quand même la confiance de quelqu'un, les choses ne seront plus jamais comme avant.